L'Évangile de l'enfance de Jésus. Évangile de l'enfance, Brunet 1863. Moi Thomas j'ai cru nécessaire de faire connaître à nos frères de toutes les nations, les merveilleux miracles que Jésus enfant, né à Bethléem, a fait dans notre région, étant moi-même étonné. Voici le commencement. En Judée. L'an 369 de l'ère d'Alexandre. Auguste ordonna à chacun de se faire enregistrer dans sa ville natale. Joseph se leva avec sa famille et vint à Jérusalem pour conduire Marie jusqu'à Bethléem où il était né, pour se faire inscrire. Arrivé près des cavernes, Marie dit à Joseph que le moment de sa délivrance était venu et ne pouvait pas aller jusqu'en ville. Ils entrèrent dans une caverne au moment où le soleil se couchait. Joseph se hâta de chercher une femme pour assister Marie et rencontra une vieille Israélite qui revenait de Jérusalem. Il la salua et dit : Entre dans cette caverne où se trouve une femme sur le point d'accoucher. Joseph arriva après le coucher du soleil avec la vieille femme devant la caverne. En entrant, voici, la caverne était resplendissante d'une lumière qui surpassait une infinité de flambeaux et brillait plus que le soleil à midi. Enveloppé de l'ange, l'enfant était couché dans une crèche et tétait le sein de sa mère Marie. Tous deux furent frappés de surprise à l'aspect de cette lumière, et la vieille s'adressa à Marie. « Es-tu la mère de cet enfant ? Tu n'es pas comme les filles d'Ève ? Personne n'est comme mon fils parmi les enfants. Ainsi sa mère est sans pareil parmi toutes les femmes, dit Marie. Madame maîtresse, je suis venue dans l'intention d'une rétribution qui durera toujours, dit la vieille femme. Pose tes mains sur l'enfant. La vieille femme fut aussitôt purifiée et elle dit, je serai la servante de cet enfant tous les jours de ma vie. Lorsque les bergers vinrent, ils avaient allumé le feu et se livraient à la joie. Les armées célestes leur étaient apparues au milieu des louanges et des célébrations au Seigneur, la caverne semblait tout entier être un temple royal dans lequel les rois célestes et terrestres avaient célébré les louanges à la gloire de Dieu en raison de la nativité du Seigneur. Voyant ces éclatants signes, cette vieille Israélite rendit grâce à Dieu. Je vous rends grâce au Dieu, Dieu de Jacob, car mes yeux ont vu la nativité du Sauveur du monde. Au huitième jour, vint le temps de la circoncision telle que prescrite par la loi que tout nouveau-né doit être circoncis. Puis quand 10 jours s'étaient écoulés, ils portèrent l'enfant à Jérusalem. Et au bout de la quarantaine, ils le présentèrent devant le Seigneur au temple pour lui remettre les offrandes prescrites dans la loi de Moïse. Siméon le vieillard vit l'enfant briller comme une colonne éclatante de lumière alors que sa mère Marie le portait dans ses bras. Elle ressentit une joie extrême. Une foule d'anges s'était formée autour de lui en cercle et célébrèrent ses louanges, l'accompagnant comme les satellites suivent leur roi. Siméon s'approcha promptement vers Marie en étendant ses mains, et il dit à Jésus : Votre serviteur peut maintenant se retirer en paix. Suivant votre parole Seigneur, mes yeux ont vu le salut que vous avez préparé par miséricorde pour votre peuple Israël, la gloire de tous les peuples et lumière pour toutes les nations. Anne la prophétesse rendit aussi grâce à Dieu. Et voici ce qui arriva quand Jésus naquit à Bethléem, en Judée au temps du roi Hérode. Des mages des pays de l'Orient vinrent à Jérusalem, comme prédit Zoradach Zoroastre. Ils apportaient avec eux les présents d'or, d'encens, et de myrrhe, et rendirent hommage à l'enfant avec dévotion. Marie prit un linge dans lequel l'enfant était enveloppé et le donna aux mages, qui le reçurent comme un présent de grande valeur. Dans la même heure, un ange leur apparut sous forme de l'étoile, qui leur avait déjà servi de guide, et ils s'en allèrent d'après sa lumière, jusqu'à ce qu'ils soient de retour dans leur patrie. Rois et princes s'empressèrent de se réunir autour des mages pour entendre ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient fait, comment ils étaient allés et retournés, quels compagnons de route ils avaient eus. Les mages montrèrent le linge que Marie leur avait remis. Ils célébrèrent une fête en allumant un feu, selon leurs habitudes d'adoration, et jetèrent ce linge dans les flammes et les flammes l'enveloppèrent, mais quand le feu fut éteint, ils retirèrent le linge en entier sans aucune trace de flamme. Ils se mirent à le baiser et à le poser sur leur tête et sur leurs yeux, disant « Voici sûrement la vérité. Quel est donc le prix de cet objet que le feu n'a pu ni consumer, ni endommager ?» Et ils le déposèrent dans leur trésor avec grande vénération. Vu que les mages n'étaient pas revenus vers lui, Hérode réunit les sacrificateurs et docteurs de loi et il leur dit « Apprenez-moi où doit naître le Messie. » Ils répondirent que le Messie devait naître à Bethléem, une ville de Judée. Et Hérode se mit à méditer en son esprit la mort de Jésus. Un ange apparut dans le sommeil de Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, réfugie-toi en Égypte. » Au chant du coq, Joseph s'avança pour partir. Et tandis qu'il se demandait quelle route suivre, le jour arriva et la courroie de la selle se brisa dans la fatigue du voyage. En Égypte. Il approcha une grande ville qui avait une idole à laquelle les autres idoles et déités d'Égypte offraient leurs hommages et des présents, et le prêtre attaché au service de cette idole rapportait aux habitants d'Égypte et leurs riverains chaque fois que Satan parlait par la bouche de l'idole. Ce prêtre avait un enfant de 3 ans, qui avait une grande multitude de démons, qui annonçaient des choses, et quand les démons le tourmentaient, il déchirait ses vêtements et courait nu dans la ville en jetant des pierres sur les gens. Quand Joseph et Marie arrivèrent dans cette ville et s'arrêtèrent à l'hôtellerie qui était dans le voisinage de cette idole, les habitants furent dans la consternation et tous les princes et prêtres des idoles se rassemblèrent autour de cette idole pour demander. D'où vient cette consternation? Quelle est la cause de cette terreur qui envahit notre pays? Cette consternation est amenée par le véritable Dieu qui a été ignoré. Nul n'est digne des honneurs divins que lui. Véritablement, il est le Fils de Dieu et cette contrée a tremblé à son arrivée, saisie d'épouvante, et nous éprouvons une grande frayeur à cause de lui, répondit l'idole. Aussitôt cette idole se renversa et brisa ainsi que toutes les autres idoles du pays, et leur chute fit accourir tous les habitants d'Égypte. Le fils du prêtre, alors tourmenté du mal dont il faisait l'objet, entra dans l'hôtellerie et insulta Joseph et Marie. Tous s'enfuirent. Tandis que Marie lavait les linges du nourrisson et les suspendait sur une latte, le jeune garçon prit un des linges et le mit sur sa tête. Aussitôt les démons sortirent en fuyant par sa bouche. On vit échapper des formes de corbeaux et de serpents. Dès qu'il fut guéri par Jésus, l'enfant se mit à chanter des louanges du Seigneur et lui rendre grâce de l'avoir délivré. Son père s'étonna en voyant qu'il avait recouvert la santé et dit « Qu'est-il arrivé mon fils? Comment as-tu été guéri ?» Je suis entré dans l'hôtellerie, quand les démons me tourmentaient et j'ai trouvé un enfant et une femme de grande beauté, qui suspendaient sur une latte les linges qu'elles venaient de laver. J'en ai pris un que j'ai mis sur ma tête, et aussitôt les démons sont sortis de moi en vitesse, répondit le fils. Il se peut que cet enfant soit le fils du Dieu vivant, qui a créé les cieux et la terre, car dès qu'il est passé près de nous l'idole s'est brisée et les spectres de nos dieux se sont effondrés par une force supérieure les a détruits, s'écria le père plein de joie. Quand Joseph et Marie apprirent que cette idole s'était renversée et qu'elle fut détruite, ils furent pris de crainte, car ils se disaient, « Nous étions en terre d'Israël, quand Hérode voulut tuer Jésus, car il donna l'ordre de tuer tous les enfants de Bethléem et des environs dans ce but. » Ils se levèrent et partirent vers une cache au moment même où des voleurs pillaient les vêtements et les biens de voyageurs passés près d'eux. On entendit des bruits, comme ceux d'un cortège de rois, escorté par un grand nombre de cavaliers armés sortant de sa capitale au son des instruments de musique. Alors les voleurs se hâtèrent de s'enfuir, laissant tout le butin. Les captifs se levèrent pour défaire leurs liens et reprendre leurs effets. Avant de se retirer, ils virent Joseph et Marie approcher et leur demandèrent « Où est ce roi dont le bruit du cortège a épouvanté les voleurs, qui se sont enfuis et que nous avons pu être délivrés ?»« Il vient après nous », répondit Joseph. Ils allèrent dans une autre ville où il y avait une femme avec un démon. Elle était sortie puiser de l'eau dans la nuit, et l'esprit impur et rebelle l'avait saisie. Depuis, elle ne supportait ni vêtements, ni d'habiter dans une maison, et toutes les fois qu'on l'attachait, elle rompait même les chaînes et fuyait nue dans les lieux déserts, ou bien elle se tenait sur les routes ou près des tombées pour chasser à coups de pierre ceux qu'elle trouvait. Elle était pour ses parents un grand sujet de deuil. Marie fut touchée de compassion à sa vue et Satan sortit aussitôt de cette femme en fuyant sous forme d'un jeune homme. Malheur à moi à cause de ton fils et de toi Marie, dit-il. Libérée de ce qui causait ses tourments, la femme regarda autour d'elle et rougit de sa nudité. Elle courut chez ses proches pour se vêtir et rapporta ce qui était arrivé à son père et à ses parents parmi les habitants les plus distingués de la ville. En témoignage de leur grand respect, ils reçurent Joseph et Marie chez eux. Joseph et Marie reprirent la route le lendemain et arrivèrent en soirée dans une ville où se célébraient les noces d'une épouse ayant perdu l'usage de la voix suite aux sortilèges de certains magiciens et déviations de l'esprit malin qu'elle n'arrivait plus à ouvrir la bouche. Quand Marie entra dans la ville en portant Jésus dans ses bras, la muette tendit ses mains vers Jésus, quand elle l'aperçut et le prit dans ses bras, le serrant contre elle et lui donnant beaucoup de baisers. Aussitôt la chaîne qui retenait sa bouche se rompit, et ses oreilles s'ouvrirent. Elle se mit à glorifier Dieu et à le remercier de l'avoir guérie. Il y eut cette nuit-là dans cette ville une grande joie et les habitants crurent en Dieu, parce que ses anges étaient descendus chez eux. Joseph et Marie passèrent là 3 jours et furent tenus en grande estime et traités avec considération. Ils repartirent chargés de provisions pour le voyage et arrivèrent dans une ville nantie, d'habitants de renom, où ils allèrent passer la nuit. Une femme noble de cette ville était descendue se baigner dans le fleuve, et l'esprit maudit s'était jeté sur elle et s'était enlacé sous forme de serpent autour de son ventre, et depuis chaque nuit il s'étendait sur elle. Voyant Marie porter Jésus dans ses bras, cette femme la pria de porter l'enfant et l'embrasser. Marie consentit et sitôt qu'elle toucha l'enfant, Satan sortit en fuyant et elle ne le revit plus. La femme noble et tous les voisins louangèrent notre Seigneur Jésus et elle les remercia avec générosité. Le lendemain elle prit une eau parfumée pour laver Jésus et elle conserva l'eau. Une jeune fille au corps couvert d'une lèpre blanche fut immédiatement guérie après s'être lavée avec cette eau. Le peuple dit : Il n'y a aucun doute que cet enfant, avec Joseph et Marie, sont des dieux qui paraissent comme de simples mortels. Comme ils se préparaient à partir, la jeune fille guérie de la lèpre les pria de les accompagner. Ils arrivèrent dans une ville où était un puissant prince dont le palais était proche de l'hôtellerie où ils allaient. S'étant approché de l'épouse du prince par la suite, et la trouvant dans les larmes et la tristesse, la jeune fille lui demanda la cause de sa douleur, celle-ci lui répondit. « Ne t'étonne pas de me voir dans l'affliction, je suis victime d'une si grande calamité que je n'ose raconter à personne. Si tu me dis quel est ton mal, peut-être trouveras-tu le remède auprès de moi, dit la jeune fille. Ne révèle ce secret à personne. J'ai épousé un prince, dont la domination, pareille à celle d'un roi, s'étend sur de vastes états. Après avoir vécu avec lui longtemps sans postérité, je conçus enfin mais donné naissance à un enfant lépreux, qu'il n'a pas reconnu comme étant à lui et m'a dit. Fais mourir cet enfant ou donne-le à une nourrice, qu'il élève dans un lieu si éloigné qu'on n'en entende jamais parler, et reprends ce qui est à toi, car je ne te reverrai jamais. C'est pourquoi je suis dans la douleur et le regret par tant frappé de calamité, je pleure sur mon enfant et sur mon mari, dit la femme du prince. Ne t'ai-je pas dit que j'ai trouvé un remède pour toi? Moi aussi j'étais atteinte de la lèpre, mais j'ai été guérie par une faveur de Dieu grâce à Jésus, le fils de Marie. La femme lui demanda où était ce Dieu dont elle parlait. La jeune fille répondit. Il est dans la même maison où nous sommes. Comment peut-il se faire? Où est-il? Voici Joseph et Marie. L'enfant avec eux est Jésus, C'est lui qui m'a guéri de mes souffrances, dit la jeune fille. Comment t'a-t-il guéri? Est-ce que tu me le diras? J'ai reçu l'eau dans laquelle il s'est lavé et dès que je l'ai versée sur mon corps, ma lèpre a disparu. La femme du prince se leva pour inviter Joseph et Marie chez elle et prépara un grand festin à Joseph dans une splendide salle. Le lendemain, elle prit de l'eau parfumée pour laver Jésus et avec l'eau qu'elle avait conservée, elle lava son fils qui guérit de la lèpre. Elle chanta des louanges à Dieu et lui rendit grâce en disant « Heureuse la mère qui t'a engendré Jésus. L'eau qui baigne ton corps prend part à la même nature que toi et guérit les maladies. » Elle offrit de riches présents à Marie et la traita avec grande considération. Comme ils approchaient d'une ville, ils aperçurent trois femmes qui versaient beaucoup de larmes en quittant une tombe. Marie dit à la jeune fille qui les accompagnait « Demande-leur qui elles sont, quel malheur leur est arrivé ?» Elles ne firent pas de réponse à la jeune fille, mais elles se mirent à l'interroger à leur tour, disant « Qui êtes-vous et où allez-vous ? Déjà le jour est tombé et la nuit s'avance. Nous sommes des voyageurs et nous cherchons une hôtellerie où passer la nuit, » répondit la jeune fille. Accompagnez-nous pour passer la nuit chez nous. Ils suivirent ces femmes et entrèrent dans une maison neuve et ornée, garnie de différents meubles. C'était la saison d'hiver, la jeune fille entra dans la chambre de ces femmes et les trouva qui pleuraient et se lamentaient encore, et à côté d'elles un mulet couvert d'une housse de soie devant, lequel était placé du fourrage. Elle lui donnait à manger et l'embrassait. Et la jeune fille dit : Maîtresse, que ce mulet est beau. Ce mulet que tu vois est notre frère, né de la même mère que nous. Notre père nous a laissé de grandes richesses à sa mort, nous n'avions que ce seul frère et cherchions à lui faire un mariage convenable. Mais des femmes remplies d'esprit de jalousie lui ont jeté des sortilèges à notre insu. Et une certaine nuit, un peu avant le point du jour, bien que les portes de notre maison étaient fermées, nous avons vu que notre frère avait été changé en mulet, tel que tu le vois à présent. Nous sommes livrés à la tristesse, car nous n'avons plus notre père pour nous consoler. Nous n'avons oublié aucun sage au monde, aucun magicien ou enchanteur, nous avons eu recours à tous, mais nous n'en avons retiré aucun profit. C'est pourquoi toutes les fois que nos cœurs se gonflent de tristesse, nous nous levons pour aller sur la tombe de notre père avec notre mère que voici, et nous revenons après y avoir pleuré, dirent-elles en pleurant. Prenez courage et cessez de pleurer. Le remède de vos maux est proche et même avec vous, au milieu de votre maison. J'étais lépreuse, mais après avoir vu cette femme et ce petit enfant nommé Jésus qui est avec elle, j'ai versé sur mon corps l'eau dans lequel sa mère l'a lavé, et j'ai été purifiée, dit la jeune fille. Je sais qu'il peut aussi mettre une fin à votre malheur. Levez-vous pour vous approcher de Marie, conduisez-la chez vous et révélez-lui le secret dont vous m'avez parlé, en la suppliant d'avoir compassion de vous. Dès qu'elles entendirent ces paroles de la jeune fille, elles s'empressèrent auprès de Marie et l'amenèrent chez elle. Elles lui dirent en pleurant : Maîtresse Marie, prends pitié de tes servantes, car notre famille est dépourvue de son chef et nous n'avons ni père ni frère qui entre ou sorte devant nous. Ce mulet que tu vois est notre frère, des femmes l'ont mis dans cette condition par leur sortilège. Nous te prions donc d'avoir pitié de nous. Touchée de compassion, Marie souleva Jésus et le plaça sur le dos du mulet, elle pleura, ainsi que les femmes, et dit : Hélas mon fils! Guéris ce mulet par l'effet de ta grande puissance, pour que cet homme recouvre la raison dont il a été dépourvu. » À peine ces mots sortis de la bouche de Marie, le mulet reprit aussitôt forme humaine, sous les traits d'un beau jeune homme sans difformité. Sa mère, ses sœurs, et lui révérèrent Marie, élevèrent l'enfant au-dessus de leur tête, l'embrassèrent en disant : Heureuse ta mère, Jésus sauveur du monde. Heureux les yeux qui se réjouissent de bonheur à ta vue. Les deux sœurs dirent à leur mère : Notre frère a repris sa forme première grâce à l'intervention du Seigneur et des bons avis de cette jeune fille qui nous a conseillé de faire appel à Marie et son fils. Et puisque notre frère n'est pas marié, Nous pensons qu'il est convenable qu'il épouse cette jeune fille. » Elles firent cette demande à Marie, qui consentit et firent des préparatifs splendides pour la noce. La douleur fut changée en joie, les pleurs firent place au rire, elles ne faisaient que chanter et s'égayer par l'excès de leur bonheur. Ornées de vêtements magnifiques et de joyaux, elles célébrèrent Dieu par des louanges, disant « Jésus, Fils de Dieu qui a changé notre chagrin en bonheur, et nos larmes en cris de joie. » Joseph et Marie demeurèrent 10 jours en ce lieu. Ils partirent comblés de témoignages de dévotion de toute cette famille, qui s'en retourna après leur avoir dit adieu en versant des larmes, surtout la jeune fille. Ils arrivèrent près d'un désert, et sachant qu'il était infesté de voleurs, ils se préparèrent à le traverser durant la nuit. Voici tout à coup ils aperçurent 2 voleurs, qui dormaient et près d'une foule d'autres voleurs plongés dans le sommeil, compagnons de ces gens. Ces 2 voleurs se nommaient Titus et Dumachu, le premier dit à l'autre. « Laisse, je te prie, ces voyageurs aller en paix, avant que nos compagnons les aperçoivent. » Dumachu refusa et Titus lui dit. « Reçois de moi 40 drachmes, et prends ma ceinture en gage. » Il la lui présenta dans le même temps, le priant de ne pas appeler ni donner l'alerte. Voyant ce voleur si bien disposé à leur rendre service, Marie lui dit. Dieu te soutienne de sa main droite et qu'il t'accorde la rémission de tes péchés. Et le Seigneur Jésus dit à Marie. Dans 30 ans les Juifs me crucifieront à Jérusalem et ces 2 voleurs seront mis en croix à mes côtés, Titus à ma droite et Dumachu à ma gauche. Et ce jour-là ma mère, Titus me précédera dans le paradis. Que Dieu détourne de toi de semblables choses, mon fils. Ils allèrent vers une ville d'idoles. Alors qu'ils approchaient, elle fut changée en un tas de sable. Ils vinrent ensuite à un sycomore, qu'on appelle aujourd'hui Mataréa, et le Seigneur fit paraître à cet endroit une fontaine où Marie leva sa tunique. Le baume que produit ce pays vient de la sueur qui coula des membres de Jésus. Ils se rendirent à Memphi. Ayant vu Pharaon, ils demeurèrent en Égypte 3 ans. Le Seigneur fit beaucoup de miracles qui ne sont pas consignés ni dans l'évangile de l'enfance, ni dans tout l'évangile. Ainsi s'accomplit la prophétie. J'ai appelé mon fils d'Égypte. Après 3 ans, ils quittèrent l'Égypte et revinrent en Judée. Lorsqu'ils en furent près, Joseph redouta d'y entrer, car il apprit qu'Hérode était mort et que son fils Archélo lui avait succédé. L'ange de Dieu lui apparut et dit. Joseph, va dans la ville de Nazareth et fais-y ta demeure. En Judée. Lorsqu'ils arrivèrent à Bethléem, il y avait des maladies graves et difficiles à guérir qui attaquaient les yeux des enfants et beaucoup périssaient. Une femme qui avait un fils près de mourir, l'amena à Marie, la trouvant qui baignait Jésus. Vois Marie comme mon fils souffre cruellement, dit-elle. Prends un peu de cette eau dans laquelle j'ai lavé mon fils et verse-la sur ton fils. La femme fit comme Marie lui dit. Son fils s'endormit après avoir été très agité, mais il fut totalement rétabli à son réveil. Pleine de joie, la femme revint trouver Marie. Rends grâce à Dieu de ce qu'il a guéri ton fils, lui dit Marie. Cette femme avait une voisine dont l'enfant était atteint de la même maladie. Ayant les yeux presque totalement fermés, il criait de souffrance nuit et jour. Celle dont le fils fut guéri lui dit. Pourquoi n'amènes-tu pas ton fils à Marie comme je lui ai amené le mien qui était à l'agonie avant d'être guéri par l'eau où Jésus s'est baigné? Cette deuxième femme alla prendre de cette eau et dès qu'elle la versa sur son fils, son mal cessa aussitôt. Elle porta son fils parfaitement guéri à Marie, qui lui recommanda de rendre grâce à Dieu et ne rien dire à personne de ce qui est arrivé. Il y avait dans la même ville 2 femmes mariées au même homme, et chacune d'elles avait un fils malade. Marie, l'une de ces femmes, se leva pour porter son fils nommé Calbe à la mère de Jésus. Elle lui présenta une très belle nappe et lui dit, Reçois de moi cette nappe, Marie, et donne-moi un de tes langes en échange. » La mère de Caljuf fit une tunique de ce lange et en revêtit son fils qui fut guéri. Mais l'enfant de sa rivale mourut le même jour, et il en résulta de grandes rivalités entre ces deux femmes. Chacune son tour s'acquittait des travaux ménagers durant une semaine. Quand le tour de Marie, mère de Caljuf, arriva, elle s'occupait à faire chauffer le four pour cuire du pain et partit chercher de la farine, laissant son enfant près du four. Voyant l'enfant seul, sa rivale le prit et le jeta dans le four embrasé, et s'enfuit. Quand Marie revint, elle vit son enfant au milieu du four qui riait. Le four était froid comme si aucun feu n'avait été allumé. Elle le retira et l'amena à la Vierge Marie, lui racontant ce qui s'était passé. « Tais-toi, je crains pour toi si tu rapportes ces choses, » lui dit Marie. La rivale alla ensuite puiser de l'eau au puits, voyant Caljuf qui jouait là sans personne alentour, elle prit l'enfant et le jeta dans le puits. Des hommes venus chercher de l'eau virent l'enfant assis à la surface de l'eau, sans mal. Ils descendirent des cordes pour l'en retirer et furent dans l'admiration. Ils firent honneur à cet enfant comme à un dieu. Sa mère l'amena à Marie et dit en pleurant. « Maîtresse, vois ce que ma rivale fait à mon fils. Elle l'a fait tomber dans le puits. Il n'y a pas de doute pour moi qu'elle lui cause un jour sa mort. » Dieu seul punira le mal qui t'a été fait, répondit Marie. Peu de temps après, la rivale alla puiser de l'eau, ses pieds se prirent dans la corde de sorte qu'elle tomba dans le puits, et lorsqu'on accourut pour lui porter secours, on la retrouva avec la tête fracassée. Elle mourut de manière fatale. La parole du sage s'accomplit en elle. Ils ont creusé un puits, mais ont jeté la terre d'en haut et sont tombés dans le trou qu'ils ont préparé. Une femme de la même ville avait deux enfants, tous deux malades. L'un mourut et l'autre près de la mort. Sa mère le prit dans ses bras et l'amena à Marie, et lui dit en pleurant abondamment. « Viens à mon secours, maîtresse, assiste-moi. J'avais deux fils, j'en ai perdu un, et je vois que l'autre est sur le point de mourir. Vois comme j'implore la miséricorde du Seigneur. Vous Seigneur qui êtes clément et plein de compassion, qui m'avez donné deux fils, mais vous avez rappelé l'un d'eux à vous, laissez-moi l'autre moins. » Témoin de sa grande douleur, Marie eut pitié d'elle et dit. « Place ton enfant dans le lit de mon fils, couvre-le de ses vêtements. » Les yeux absentis par la mort, l'enfant fut déposé dans le lit de Jésus. Il les rouvrit aussitôt et appela sa mère pour demander du pain et il en mangea dès qu'on lui donna. Je sais maintenant que la vertu de Dieu habite en toi Marie au point que ton fils guérit les enfants aussitôt qu'ils l'ont touché, dit sa mère. L'enfant guérit et ce Barthélemy dont parle l'Évangile. Il y avait dans cette ville une femme ayant un fils dénommé Judas que Satan tourmentait. À chaque fois il voulait mordre ceux qui étaient près de lui, ou s'il était seul il mordait ses mains et ses bras. La mère de ce malheureux entendit parler de Marie et de son fils Jésus. Elle prit son fils dans ses bras et se leva pour l'amener à Marie. Dans le même temps, Jacques et Joseph avaient emmené Jésus pour jouer dehors avec les autres enfants. Ils étaient assis hors de la maison et Jésus avec eux. Judas vint s'asseoir à droite de Jésus, quand Satan commença comme souvent à l'agiter et cherchait à mordre Jésus, mais ne pouvant l'atteindre, il lui donna un coup au côté droit. Jésus se mit à pleurer et Satan sortit aussitôt de cet enfant, sous forme d'un chien enragé. L'enfant et ce Judas Iscariot qui trahit Jésus, et le côté qu'il frappa fut celui que les Juifs percèrent d'un coup de lance. À Nazareth. À l'âge de 7 ans, Jésus jouait avec d'autres enfants de son âge avec la boue, s'amusant à faire diverses images d'animaux, loups, ânes, oiseaux. Chacun se vantait de son ouvrage et s'efforçait de l'élever au-dessus de celui de ses camarades. Jésus dit aux enfants, « Je vais donner ordre aux images que j'ai faites de marcher. Jésus ordonna aux images de marcher et elles se mirent aussitôt à avancer et revinrent quand il leur dit de revenir. Les enfants lui demandèrent s'il était le fils du Créateur. Il avait aussi fait des images d'oiseaux passereaux, qui se mirent à voler quand il leur dit de voler et qui s'arrêtèrent quand il leur dit de s'arrêter. Elles mangèrent et burent ce qu'il leur présenta à boire et à manger. Rentrés chez leurs parents, les enfants leur racontèrent ce qu'ils avaient vu, mais ils dirent que c'était un enchanteur, d'éviter d'être avec lui, de fuir et ne plus jouer avec lui. Un jour que Jésus alla sur la place, il vit que les enfants s'étaient réunis pour jouer et voulut se joindre à eux, mais ils partirent se cacher de lui. Jésus alla à la porte d'une maison et demanda à des femmes qui se tenaient debout à l'entrée où les enfants étaient allés. Et comme elles répondirent qu'il n'y en avait aucun dans la maison, Jésus dit : « Et que voyez sous cette voûte ?» Elles dirent que c'était des béliers de 3 ans. Et Jésus s'écria : « Sortez béliers et venez vers votre berger. » Les enfants sortirent sous forme de bélier et sautèrent autour de lui. Ces femmes furent saisies de stupeur et révérèrent Jésus en disant : « Seigneur Jésus, fils de Marie, bon berger en Israël, aie pitié de tes servantes qui ne doutent pas ici de ta présence. Que tu sois venu pour guérir, non pour perdre. » Jésus répondit que les enfants d'Israël étaient comme des Éthiopiens parmi les nations. « Tu connais toutes choses et rien ne t'est caché, » dirent les femmes. « Nous espérons et te demandons miséricorde pour rendre à ces enfants leur ancienne forme. Venez enfants et allons jouer. » En présence de ces femmes, ces béliers reprirent aussitôt leur forme d'enfant. Un certain jour, jouant et courant avec les autres enfants, Jésus passa devant la boutique d'un teinturier nommé Salem. Il avait dans sa boutique des tissus appartenant à grand nombre d'habitants, qu'il se préparait à teindre de diverses couleurs. Jésus entra dans sa boutique, prit tous ses tissus et les jeta dans la chaudière. Salem poussa de grands cris en voyant les tissus perdus et réprimanda Jésus. « Qu'as-tu fait, fils de Marie ? Tu as fait du tort, à moi et mes concitoyens, pour chacun qui demande la couleur qui lui convient. Toi tu es venu et tu as tout perdu. Quel tissu veux-tu changer la couleur, et je la changerai. » Quand il retira les tissus de la chaudière, chacun était teint de la couleur que le teinturier souhaitait. Les Juifs témoins de ce miracle glorifièrent le pouvoir de Dieu. Joseph parcourait la ville entière, appelé pour fabriquer des portes, des cribles ou des coffres. Jésus était avec lui partout où il allait. Un jour le roi de Jérusalem le fit appeler et dit : « Joseph, je veux que tu me fasses un trône de la dimension de l'endroit où j'ai l'habitude de m'asseoir. » Joseph mit aussitôt la main à l'ouvrage et passa 2 ans au palais jusqu'à ce qu'il eût achevé de faire ce trône. Mais quand il fut placé où il devait être, il manquait 2 spitames de chaque côté. Redoutant le courroux du monarque, Joseph ne put manger et se coucha à jeûne. Jésus lui demanda la raison de sa crainte et il répondit : « L'ouvrage sur lequel j'ai travaillé 2 ans entiers est gâté. Reviens de ta frayeur et ne perds pas courage. Prends ce côté du trône et moi l'autre pour l'amener à la bonne mesure. » Joseph fit ce que dit Jésus, chacun tirant fortement de son côté, et le bois se mit à la dimension exacte qu'il souhaitait. Ce trône était fabriqué avec un bois remarquable par ses formes diverses, qui existait du temps de Salomon. Au mois d'Adar, Jésus réunit les enfants et les agença comme un roi. Ils avaient étendu leurs vêtements par terre pour qu'il s'y assît et avaient posé sur sa tête une couronne de fleurs et ils s'étaient rangés, à sa droite et à sa gauche, comme des satellites qui accompagnent un roi. Quand quelqu'un passait, les enfants le forçaient à s'arrêter en disant : « Viens et vénère le roi afin d'avoir un heureux voyage. » Sur ces entrefaites, des hommes arrivèrent en portant un enfant sur une civière. Cet enfant avait été avec ses camarades sur la montagne chercher du bois, et ayant trouvé un nid de perdrix, quand il y mit la main pour en retirer les œufs, un serpent caché dans le nid le mordit. Il appela ses compagnons à son secours, mais à leur arrivée ils le trouvèrent comme mort étendu sur la terre. Les gens de sa famille l'emportaient à la ville, lorsqu'arrivés à l'endroit où le Seigneur Jésus trônait comme un roi entouré des autres enfants de sa cour. Les enfants allèrent au-devant de ceux qui portaient le mort et leur dirent « Venez saluer le roi ». Ils ne voulaient pas approcher à cause du chagrin éprouvé, mais les enfants les forcèrent à venir. Et quand ils furent devant Jésus, qui leur demanda pourquoi ils portaient cet enfant, ils répondirent qu'un serpent l'avait mordu. Le Seigneur Jésus dit aux enfants « Allons tuer ce serpent ensemble ». Les parents de l'enfant, sur le point de trépasser, prièrent les autres enfants de les laisser aller, mais ceux-ci répondirent « N'avez-vous pas entendu ce que le roi a dit ? Allons tuer le serpent. Vous devez obéir à ses ordres. » Malgré leur opposition, ils firent rebrousser chemin à la civière et, lorsqu'ils furent arrivés auprès du nid, le Seigneur Jésus dit aux enfants « N'est-ce pas là que se cache le serpent ?» Eux ayant répondu « Oui », le serpent fut appelé par le Seigneur Jésus, et il sortit aussitôt se soumettre à lui. Jésus lui dit « Va sucer tout le poison que tu as répandu dans les veines de cet enfant. » Le serpent rampa et reprit tout le poison répandu. Alors le Seigneur le maudit et il se déchira et mourut aussitôt. Jésus toucha l'enfant de sa main et il guérit. Comme il se mettait à pleurer, le Seigneur Jésus lui dit « Cesse tes pleurs parce que tu seras mon disciple. » Cet enfant était Simon le Zélote, dont il est fait mention dans l'Évangile. Un jour que Joseph avait envoyé son fils Jacob Jacques ramasser du bois, le Seigneur Jésus se joint à lui comme compagnon. Quand ils furent arrivés à l'endroit où le bois était, tandis que Jacob en ramassait, une vipère le mordit et il se mit à crier et pleurer. Le voyant dans cet état, le Seigneur Jésus s'approcha de lui et souffla à l'endroit où il avait été mordu et Jacob guérit sur le champ. Un jour que Jésus était avec des enfants à jouer sur un toit, l'un de ses enfants tomba et mourut sur le coup. Les autres enfants s'enfuirent, et seul le Seigneur resta sur le toit. Les parents du mort arrivèrent et dirent à Jésus « Est-ce toi qui as jeté notre fils du haut du toit ?» Comme il déclinait, ils répétèrent encore plus fort « Notre fils est mort, voici celui qui l'a tué. Ne m'accusez pas d'un crime dont vous n'apportez aucune preuve. Demandons lui-même à cet enfant de mettre la vérité au grand jour. » Jésus descendit et se plaça près de la tête du mort, et dit à haute voix « Zénon, Zénon, qui t'a jeté du haut du toit ? Ce n'est pas toi, Seigneur, qui a causé ma chute, mais quelqu'un m'a fait tomber, répondit le mort. » Jésus demanda aux assistants de porter attention à ses paroles. Tous se louèrent Dieu pour ce miracle. Un jour que Marie avait demandé à Jésus d'aller lui chercher de l'eau à un puits, alors qu'il s'acquittait de cette tâche, la cruche déjà pleine se brisa. Jésus étendit son manteau et emporta l'eau recueillie à sa mère. Elle fut en admiration et conserva dans son cœur tout ce qu'elle voyait. Un jour le Seigneur joua avec d'autres enfants sur le bord de l'eau à creuser des rigoles pour faire écouler l'eau et former de petits bassins. Le Seigneur avait aussi fait avec la terre 12 petits oiseaux qu'il avait placés autour de son bassin, 3 de chaque côté. C'était un jour de sabbat. Le fils de Hanon le Juif vint et les voyant ainsi occupés, leur dit « Comment pouvez-vous faire de figure debout le jour de sabbat ?» Et il se mit à détruire leur bassin. Le Seigneur étendit les mains sur les oiseaux qu'il avait fait et ils s'envolèrent en gazouillant. Quand le fils de Hanon le Juif s'approcha pour détruire le bassin que Jésus avait creusé, l'eau disparut. Le Seigneur dit « Vois comme cette eau s'est desséchée, il en sera également de ta vie. » Aussitôt l'enfant se dessécha. Un soir alors que Jésus rentrait du bois avec Joseph, un enfant courut devant lui et le bouscula avec violence. Le Seigneur en fut presque renversé et dit à cet enfant « Comme tu m'as poussé, tombe et ne te relève pas. » À l'instant l'enfant tomba par terre et expira. Il y avait à Jérusalem un homme nommé Zachée, qui instruisait la jeunesse. Il dit à Joseph, « Pourquoi ne m'envoies-tu pas Jésus pour apprendre les lettres ?» Joseph voulut se conformer à cet avis, et après qu'il en convint avec Marie, ils menèrent l'enfant vers le rabbin. Quand celui-ci le vit, il écrivit l'alphabet et lui dit de prononcer Aleph. Quand Jésus l'eut fait, il lui demanda de dire Bé. Alors Jésus dit, « Dis-moi d'abord que signifie la lettre Aleph, alors je prononcerai Bé. » Le rabbin se disposait à le frapper quand Jésus lui expliqua le sens des lettres Aleph et Bé. Quelles sont les lettres à la forme droite et celles qui sont obliques, lesquelles sont doubles, lesquelles sont accompagnées de points et celles qui en manquent, pourquoi telle lettre en précède une autre, etc. Il dit beaucoup de choses que le rabbin n'avait jamais entendues ni lues dans aucun livre. Et Jésus dit au maître, « Porte attention à ce que je vais te dire. » Il se mit à réciter clairement et distinctement Aleph, Bé, Gimel, Dalet, jusqu'à la fin de l'alphabet hébraïque. Le rabbin fut dans l'admiration et dit, « Je crois que cet enfant est né avant Noé. Tu m'as conduit pour instruire un enfant qui en sait plus que tous les docteurs de loi. Ton fils n'a aucun besoin de mon enseignement. » Ils le conduisirent à un rabbin plus savant qui lui demanda, « Dis Aleph. » Lorsqu'il eut dit Aleph, le rabbin lui prescrivit de prononcer Bé. Jésus répondit, « Dis-moi la signification de la lettre Aleph, et je prononcerai alors Bé. » Le maître irrité leva la main pour le frapper, et aussitôt sa main se dessécha et il mourut. Joseph dit à Marie, « Dorénavant il ne faut plus laisser l'enfant sortir de la maison, car quiconque s'oppose à lui est frappé de mort. » Lorsqu'il eut l'âge de 12 ans, ils le conduisent à Jérusalem à l'époque de la fête. Puis la fête étant terminée, ils s'en retournèrent. Jésus resta dans le temple, parmi les docteurs et les anciens et les érudits des fils d'Israël, qui l'interrogea sur différents points de la science. Il leur répondait à son tour et leur demanda, « De qui le Messie est-il fils ?»« Il est fils de David, » répondirent-ils. Pourquoi donc David l'appelle-t-il son Seigneur par l'Esprit quand il dit « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, pour que je mette tes ennemis sous tes pieds. » Un des chefs des docteurs l'interrogea. « As-tu lu les livres saints ?»« J'ai lu les livres et ce qu'ils contiennent. » Il leur expliqua alors les Écritures, les lois, les préceptes, les statuts, et les mystères renfermés dans les livres des prophètes, des choses que l'intelligence d'aucune créature ne peut comprendre. Ce chef des docteurs dit, « Je n'ai jamais vu, ni entendu pareille instruction. Qui cet enfant peut-il être ?» Il se trouvait là un docteur savant en astronomie qui demanda à Jésus s'il avait étudié la science des astres. Jésus lui répondit en exposant le nombre des sphères et des corps célestes, leur nature et leurs oppositions, leur aspect trine, quadra et sextile, leur progression et mouvement rétrograde, le pronostic du compus, et des choses que la raison d'aucun homme n'a scrutées. Il y avait aussi parmi eux un philosophe savant en médecine et dans les sciences naturelles qui demanda à Jésus s'il avait étudié la médecine. Le Seigneur lui exposa la physique, la métaphysique, l'hyperphysique et l'hypophysique, les vertus du corps, les humeurs et leurs effets, le nombre des membres et des os, des artères et des nerfs, les divers tempéraments au chaud, sec, froid, humide et leurs résultats, les opérations de l'âme dans le corps, ses sensations et ses vertus, les facultés de la parole, colère, désir, la congrégation et la dispersion, des choses que l'intelligence d'aucune créature n'a pu saisir. Ce docteur se leva et honora Jésus en disant « Désormais Seigneur, je serai ton disciple servant. » Tandis qu'il parlait, Marie survint avec Joseph qui chercha Jésus depuis 3 jours. Elle le vit assis parmi les docteurs, les interrogeant et répondant alternativement. Elle dit « Mon fils, pourquoi avoir agi ainsi à notre égard? Ton père et moi t'avons cherché avec beaucoup de peine. Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il convient que je demeure dans la maison de mon père? Ils ne comprirent pas la parole qu'il adressait. Les docteurs demandèrent à Marie s'il était son fils, et ayant répondu que oui, ils s'écrièrent. Ô heureuse femme qui a enfanté un tel enfant! Jésus revint avec eux à Nazareth et leur fut soumis en toutes choses. Sa mère conservait toutes ces paroles dans son cœur. Le Seigneur Jésus profitait en taille, en sagesse, et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Dès ce jour il commença à cacher ses miracles et ses mystères jusqu'à ce qu'il ait accompli sa 30e année, jusqu'à ce que son père révèle publiquement sa mission aux abords du Jourdain d'une voix venue du ciel, qui fit entendre ces mots. C'est mon fils bien-aimé en qui je me complais. Et l'Esprit apparut sous la forme d'une blanche colombe. Fin de l'Évangile de l'enfance de Jésus, selon Thomas. Miracle d'enfant. Miracle de Jésus. Patrologia Orientali de 1919, 1920 et 1923. Il y avait un homme ayant beaucoup de bœufs, qui aimait l'aumône et attendait la venue du Messie, le salut d'Israël. Des voleurs, gens de la haute ville de Jérusalem, vinrent et volèrent beaucoup de ses bœufs. Cet homme habitait dans le voisinage de la ville de Nazareth où se trouvaient Jésus et sa mère. Quand il sut le vol de ses bœufs, il rendit grâce au Seigneur en disant « Béni est le Seigneur Dieu d'Israël, qui me les avait accordés, lui-même m'a donné, lui-même m'a repris, comme dit Job dans l'épreuve. » Joseph rencontra Tetmena et dit « Je te vois triste. » Il lui dit au sujet de ses bœufs volés, et Joseph répondit « Viens avec moi vers Jésus, qui te dira qui a volé tes bœufs. » Il alla avec Joseph. Quand Jésus le vit, il lui dit avant même d'entendre son histoire « Ô Tetmena, voici que ton histoire m'est parvenue, comment tu as rendu grâce au Seigneur quand tu as été éprouvé. Ne sois plus triste, viens avec moi pour te montrer les hommes qui ont volé tes bœufs, qui sont derrière le mont Tabor. » Tetmena et Joseph allèrent avec Jésus, et lorsqu'ils furent arrivés derrière le mont Tabor, ils trouvèrent les voleurs, n'ayant pas de possibilité de fuir devant ou derrière. Jésus leur dit « Pourquoi avez-vous fait ce qui ne convient pas en transgressant la loi? Nous avons péché. Pardonne-nous, » dirent-ils. Jésus alla avec Joseph et Marie à la ville de Tibériade pour trouver ce qu'ils avaient besoin. Jésus laissa Joseph et sa mère quand ils arrivèrent en ville. Il se tenait près du lac de Tibériade lorsque des bateaux arrivèrent au port et un homme sortit de ces bateaux en criant. « Mes compagnons m'ont volé tout le poisson que j'ai pêché cette nuit et me laissent dans la pauvreté. » Ce de qui le pêcheur dit « Vous m'avez volé », sortirent aussi et voyant Jésus sur le rivage du lac, ils dirent sans le connaître. « Agréons ce jeune homme pour juger entre toi et nous. » Ils s'accordèrent et allèrent vers Jésus. « Ô jeune homme, voici cet homme qui est un de nos compagnons, a pêché plus de poissons que ce que nous avons nous-mêmes pêché. Tout le poisson qu'il a pêché a été volé et il dit, « Vous m'avez volé. Juge entre lui et nous, car tu sais que nous t'avons agréé. Je ne jugerai pas entre vous enfants d'Israël mais Moshe, qui vous a donné sa loi à cause de la dureté de votre cœur. Moi-même je ne jugerai pas en ce jour. Nous agréons ton jugement, comme tu souhaites juger entre nous ne transgresserons pas ta parole. » Jésus entra dans le bateau de ses pêcheurs et se tint au milieu d'eux et dit « À vous poissons volés je vous dis, retournez dans le bateau de celui qui vous a pêché. » Les poissons sautèrent du bateau dans le bateau de l'homme qui les avait pêchés. Celui-ci perdit conscience à cause de la grandeur de la surprise, et ses compagnons pêcheurs furent stupéfaits. Un jour que Jésus marchait sur la route, il vit un voleur ayant volé une génisse dans une ville d'Israël avec le propriétaire de la génisse qui l'avait arrêté. Tous deux se disputaient en disant, « Cette génisse est à moi. » Lorsqu'ils virent Jésus passer, l'un dit à l'autre, « Nous voyons la lumière d'Israël sur le visage de ce jeune homme, Ne nions pas qu'il est de la descendance des prophètes. Viens et demandons-lui comment faire avec la génisse. Je le souhaite aussi, dit l'autre. Ils allèrent vers Jésus, qui se trouvait avec Joseph et Marie et le prièrent de juger avec sagesse entre eux au sujet de la génisse, puisque tous deux l'avaient agréé. Jésus leur dit : Amenez la génisse vers moi. Ils amenèrent la génisse et la placèrent devant lui. Jésus dit : Ô génisse, je t'ordonne de parler dans la voix des fils d'hommes pour nous dire qui est ton maître. Cette génisse parla et s'écria à haute voix : Ô Dieu d'Israël, créateur des cieux et de la terre, sauveur du monde entier. En vérité je te dis, je suis la génisse de ce vieillard nommé Khémemour fils de Nazé. Hier à la troisième heure du jour, ce jeune homme m'a volé d'un pré qui se trouve à Césarée. Jésus dit au voleur : Par ta faute tu as fait un péché dans la tribu d'Israël. Pardonne-moi. Je suis ton serviteur, fils de ta servante, dit le voleur. Cet homme crut que Jésus était le fils du Seigneur vivant éternel ainsi que tous les gens de sa maison. Il demanda à Jésus de lui permettre de devenir son disciple, mais Jésus lui dit : Quiconque sert le monde ne peut devenir mon disciple. Quand Jésus partit de la ville de Tibériade pour monter à Jérusalem avec Joseph, en passant par la route de Galilée, Joseph vit un lion en embuscade sur la route, car il précéda Jésus. Il eut peur et son visage fut changé. Il se retourna vers Jésus, car son intelligence ne savait plus. Quand Jésus vit le vieux Joseph retourner en arrière, il connut sa pensée. Qu'es-tu devenu, Joseph ? Quelle chose t'a atteint ? Dit-il. J'ai vu un lion en embuscade sur la route, et si je n'étais pas venu vers toi, il m'aurait dévoré. Je me suis échappé de lui d'une manière étonnante, dit Joseph. Ne sais-tu pas, Joseph, que je suis le créateur de tous les lions et de toutes les bêtes? N'as-tu pas lu la prophétie du prophète Daniel? Toutes les bêtes de la forêt sont à moi, les animaux de la campagne ainsi que les bœufs. Jésus se hâta de prendre Joseph à l'endroit où se trouvait le lion. Il s'approcha de lui et dit : À toi, lion, je te dis, approche près de Joseph et dis-lui qui je suis. Le lion se leva d'où il se trouvait et se prosterna devant Jésus. Il dit dans la langue des hommes : Par ordre du Dieu d'Israël, roi des rois, auteur de toutes les créatures, dont moi-même ai été créé. Joseph fut stupéfait de voir le lion parler des grandeurs du Seigneur, se prosterna aux pieds de Jésus en disant : Aie pitié de moi, fils du Seigneur. Ne t'étonne pas de ce prodige, Joseph, car il te faudra voir de plus grand que celui-ci. Jésus dit au lion : Va attendre dans le désert, hors de la route des passants. Aussitôt le lion courut rapidement et entra dans le désert. Ils allèrent au mont Tabor pour lui faire voir sa puissance, qu'ils n'avaient pas vue auparavant. Quand Jésus marchait avec Joseph sur la route de Nazareth, de nombreux habitants de Nazareth s'étaient joints à lui et un homme de Naplouse vint et lui dit en pleurant : Montre-toi clément vers moi, ô Seigneur. Qu'es-tu devenu ? J'ai un champ que j'ai ensemencé pour donner son impôt à un percepteur samaritain, mais l'eau l'a inondé, lui répondit cet homme. Il me poursuit à cause de son argent, car je ne suis pas un samaritain, comme lui mais un homme du peuple, je suis pauvre et n'ai pas la nourriture d'un jour. Crois-tu au Seigneur vivant ? Moi-même je crois au Seigneur, qui a fait toute créature, qui est tout puissant. Dit l'homme. Viens, allons que tu me montres ton champ inondé. Jésus alla avec cet homme jusqu'à ce qu'il arrive au champ, qu'il trouvait être devenu un étang. Le propriétaire du champ pleurait de désespoir et voulut retourner à sa maison. Jésus dit : Crois et ne crains pas. Jésus se tourna vers l'eau au-dessus du champ, la sermonna en disant : À toi, ô qui te tiens sur le champ, je te dis, retourne dans le lieu où tu étais avant. Aussitôt un nuage brillant, comme le soleil, flotta sur l'eau devant tous les gens qui se trouvaient là, tandis que cette eau monta sur ce nuage, comme la vapeur de fumée. Le champ devint sec et la semence, qui s'y trouvait, apparut immédiatement d'un beau vert, et fut en épi. Peux-tu moissonner le champ ? Oui, Seigneur, maître du monde entier, lui dit-il en se prosternant aux pieds de Jésus. À ton ordre, tout obéit. Lève ta tête et regarde comment est devenue ta semence. Il vit son champ plein d'épis devenus blancs arriver à maturité. Jésus lui dit : Frotte et mange. Cet homme frotta des épis et mangea, glorifiant Dieu. Il dit à Jésus : Permets-moi de te suivre. Garde ta foi pour ne pas renier ce que tu as vu. Les gens qui étaient là crurent en Jésus. Entré en ville, le propriétaire du champ raconta aux gens ce qui était arrivé et eux aussi crurent. Beaucoup de gens des habitants de Samarie crurent. De son propre gré, il devint disciple de Jésus, prêchant et annonçant ses prodiges. Beaucoup de gens des habitants de Samarie et d'Israël crurent grâce à lui. Il y avait beaucoup de lions dans le territoire d'Ascalon au point qu'après le coucher du soleil les gens ne pouvaient pas passer la porte de leur maison. Les gens d'Ascalon allèrent vers Jésus et dirent : Ô maître, nous savons que le Seigneur t'envoie pour sauver les enfants d'Israël. Sois clément vers nous qui sommes indignes. Chasse les lions qui ravagent notre pays, car nous savons qu'ils écouteront à une parole de ton ordre. Je serai clément vers vous à cause de votre supplication envers moi. Retournez dans votre territoire et allez où les lions sont réunis et dites-leur : Lion, ne restez pas dans ce territoire et ne ravagez rien qui s'y trouve. Les gens d'Ascalon retournèrent à leur territoire et un homme nommé Nathanaël, de Cana de Galilée, alla où les lions étaient réunis et leur dit ce que Jésus avait dit. Quand il leur eut déclaré, un nombre innombrable de lions vinrent près de lui. Il étendit la main pour les réprimander, disant : Partez de ce territoire et n'y entrez plus comme vous l'ordonne Jésus le Sauveur du monde, car lui-même ne vous refusera pas votre nourriture. Les lions inclinèrent leurs têtes ensemble, se prosternèrent vers Nathanaël, qui était un des disciples de Jésus, et les lions quittèrent aussitôt ce territoire. Quant aux gens d'Ascalon, leur foi fut affermie. Un miracle du Fils de Dieu. Miracle de Jésus. Patrologia Orientali de 1919, 1920 et 1923. Jean baptisait dans le fleuve du Jourdain quiconque venait à lui des enfants d'Israël. Il dit à ses disciples : Alors que j'étais dans le sein de ma mère, le Seigneur m'a dit de purifier les hommes en les baptisant baignant dans le Jourdain. Et lorsque je verrai l'eau aller et venir, et devenir chaude, il me fallait savoir que l'agneau du Seigneur est venu, celui dont les prophètes ont prophétisé, qu'il va venir dans le monde effacer les péchés de ses bien-aimés, et qui viendrait vers moi pour être baigné. Un jour que Jean baptisait des hommes, il vit le Jourdain aller et venir en arrière et l'eau devint chaude comme chauffée au fer. Il retira sa main de l'eau et dit : Voici, l'agneau du Seigneur qui efface les péchés du monde est venu. Il vient au monde après moi, mais il était avant moi et tout a eu lieu par lui. Quant à moi qui suis indigne de me baisser et délier la courroie des souliers de ses pieds. Sois clément vers ton serviteur, fils de ta servante, pour l'instruire de tes mystères, Seigneur, car tu es fils du Seigneur vivant éternel. Jésus dit à ses disciples : Sachez que le royaume céleste est proche. Recherchez la voie étroite, et éloignez-vous de la voie large, car beaucoup d'appelés et peu d'élus, peu le font. Quand il finit d'enseigner ses disciples sur le jugement, il dit : Venez, allons au Jourdain pour que vous entendiez la parole du héros qui prêche la venue de mon avènement. Vous y verrez la lampe du désert. Venez, allons vers l'étoile lumineuse. Vraiment je vous dis, personne de la progéniture de femme n'est plus grand que Jean le Baptiste, et son travail comme celui du prophète Élie. Aujourd'hui je briserai le malin, j'abolirai sa puissance, et je le perdrai dans les eaux. Aujourd'hui les eaux de la terre seront sanctifiées. Aujourd'hui la prophétie des prophètes s'accomplira. Aujourd'hui la mer me verra et fuira, le Jourdain me verra et retournera en arrière. Aujourd'hui le pouvoir du diable sera aboli, aujourd'hui le monde brillera. Aujourd'hui notre Père Adam sera rénové, aujourd'hui sera effacé le péché d'Ève, mère de tous les humains. Aujourd'hui je vous manifeste ma souveraineté et je vous ferai entendre la voix de mon Père, aujourd'hui je vous ferai voir la force de l'Esprit, aujourd'hui le mystère de la Trinité vous sera révélé. Aujourd'hui les montagnes et les collines bondiront comme des agneaux, aujourd'hui tous les peuples se réjouiront et applaudiront de leurs mains. Aujourd'hui Jean le fils de la stérile me verra, et son cœur se réjouira. Aujourd'hui tous les affligés du cœur seront guéris, aujourd'hui la lumière viendra pour eux qui demeurent dans les ténèbres, aujourd'hui je délivrerai mes semblables qui demeurent dans le Shéol. Aujourd'hui les portes des cieux s'ouvriront, aujourd'hui les premiers se trouveront en arrière et les derniers en avant. Aujourd'hui vous connaîtrez qui je suis et d'où je suis venu. Aujourd'hui le Jourdain exultera avec tous les fleuves. Aujourd'hui les cieux et la terre brilleront, l'eau amère deviendra douce et les assoiffés s'abreuveront d'eau douce. Aujourd'hui je rénoverai mes créatures, aujourd'hui le soleil donnera sa lumière. Ce jour-ci est le jour du Seigneur qu'a mentionné le prophète. Lorsqu'il termina d'instruire ses disciples, ils partirent à Béthanie entre Jérusalem et le Jourdain, et passèrent la nuit chez Lazare. Ils arrivèrent en matinée au fleuve du Jourdain, et quand Jean vit Jésus il se mit à crier. Voici l'agneau du Seigneur qui enlève les péchés du monde. Celui-ci est le Fils du Seigneur qui est venu pour notre salut. Celui-ci est le roi de gloire sur qui a prophétisé Zacharie, l'unique du Seigneur éternel qui est sans péché. Jésus appela Jean et lui dit. Il te faudra accomplir aujourd'hui la loi et devenir témoin que tu as vu ma puissance. Lève-toi et baptise, baigne-moi, car le temps est arrivé. C'est par toi qu'il faut que je sois baptisé. Pourquoi es-tu venu te faire baptiser par moi, ton serviteur ? Répondit Jean. Jean, il faut te réjouir de mon baptême par moi. N'aie crainte, lorsque tu poseras ta main sur ma tête, je me baptiserai moi-même. Toi, pose ta main sur ma tête et moi je me sanctifierai moi-même. Jean, ne conteste pas mon ordre, car je suis venu dans ce monde accomplir la loi et les prophètes qui ont prophétisé sur moi. Jésus s'approcha du Jourdain et Jourdain se retira de 20 mètres en arrière et son eau devint chaude comme des charbons. Vraiment je vous dis, j'ai vu moi-même le Jourdain fuir devant Jésus, dit l'apôtre Jean. Jésus réprimanda le fleuve. Tiens-toi à ta place au moment de mon baptême et ne fuis pas. Et l'eau revint à sa place. Ainsi s'accomplit la parole du prophète David. Les eaux t'ont vu et ont eu peur. De plus il a dit. Pourquoi as-tu fui mer, et toi Jourdain es-tu retourné en arrière ? David prophétisait de la fuite de la mer devant la face du Seigneur Jésus venu juger le monde avec sagesse. Jean vit le Jourdain fuir en se retirant en arrière, et revenir à sa place sur l'ordre de Jésus. Il se mit à trembler grandement et se prosterna en disant. Seigneur Dieu, sois clément vers ton servant, fils de ta servante. Toi le Seigneur et nous les servants, toi le roi et nous les subordonnés, toi le Créateur et nous les créés, toi la force céleste et nous les faibles terrestres. Ne le force pas à poser sa main sur sa tête, il ne faut pas que le Seigneur s'humilie à son servant, car tu es le Fils du Seigneur et je suis le Fils de l'homme. Fais tout ce que je t'ai demandé, car il te faut faire ainsi. Jésus défit ses habits, descendit dans le Jourdain, il se plaça au milieu des flots où se trouvaient beaucoup de gens venus se faire purifier par Jean. Jésus appela Jean et dit. Fais comme je t'ai dit. Tremblant, Jean posa la main sur la tête de Jésus. Il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit venir se poser sur la tête de Jésus sous forme d'une colombe. Il entendit la voix du Père qui dit « C'est mon Fils que j'aime en qui je me complais. C'est mon Fils par qui j'ai fait tous les cieux et la terre. C'est mon fils qui a été engendré avant les temps des jours. C'est mon fils qui n'est ni séparé ni désuni de moi. C'est mon fils véritable comme moi. » Lorsque les disciples entendirent ces paroles du ciel, leur foi s'affermit et grandit. Ces paroles furent entendues de Jean le Baptiste, de ses disciples, et de toutes les personnes qui se trouvaient là, qui crurent en la sainteté de Jésus. Jean parla alors ouvertement comme un témoin sincère et dit: « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel et demeurer sur la tête du Seigneur Jésus. J'ai entendu la voix du Père venu témoigner de son Fils. » Lorsque Jésus sortit du Jourdain, après avoir accompli le bain, de nombreux anges du ciel descendirent le porter avec leurs ailes pour le tirer du Jourdain et ils l'honorèrent conjointement. Le Seigneur Jésus partit du Jourdain avec ses disciples jusqu'à ce qu'ils entrent à Jérusalem. De là, il envoya ses disciples au pays d'Ammon et de Moab pour appeler les gens à la foi de Jésus le Messie. Après que Satan vit ce qui arriva au Jourdain, et avoir entendu que Jean était témoin que Jésus était le Fils du Seigneur, Jésus se rendit au désert après que ses disciples se séparèrent de lui. Jésus sut qu'il le cherchait, et quand il le vit, il monta en haut d'une montagne et Satan monta au sommet de cette montagne pour le tenter par des paroles. Jésus resta 40 jours et 40 nuits sans manger et Jésus fit voir sa gloire à Satan. Quand Satan s'enfuit, les anges vinrent à son service. Puis Jésus partit en Galilée pour accomplir la parole du prophète qui a dit: « Aux gens de Galilée qui demeurent dans les ténèbres, une grande lumière s'est levée sur eux. » Quand Jésus traversa la ville de Magdala, il vit Simon et André, les fils de Jonas, en train de pêcher sur le rivage du lac. Il appela Simon et dit: « Simon, viens avec moi pour te faire pêcher des hommes. » Simon s'étonna, car Jésus l'appela par son nom sans le connaître. « Ne t'étonne pas parce que j'ai appelé par ton nom sans que tu me connaisses toi-même, Simon, fils de Jonas. Désormais tu verras toi-même plus grand que ce prodige, car sache que tu deviendras mon élu et prince sur mes disciples. Vraiment tu es le Messie, fils du Seigneur vivant. Vraiment tu es le sauveur de notre père Adam. Vraiment tu es le sauveur du monde. Tu es bienheureux, Simon, fils de Jonas. » Car mon Père dans les cieux t'a révélé ce mystère, non la chair et le sang. Simon regarda le ciel à ce moment-là et vit l'entrée des portes célestes. Il entendit une voix du ciel qui dit: « Écoutez et obéissez à sa parole, et l'honorez seul. » Simon tomba sur sa face. Jésus le fit se relever, il prit sa main et la main de son frère André et les conduisit au fleuve du Jourdain. Quand ils furent arrivés, il dit à Simon: « Sache Simon, tu ne peux devenir mon disciple ni héritier du royaume céleste si tu n'as pas été baigné d'eau et d'esprit. Que le Seigneur fasse de son servant ce qu'il veut. » Il les remit à Jean, qui baptisa Simon et son frère André dans le Jourdain, ainsi que tous les enfants d'Israël. Au moment de leur descente dans l'eau, une troupe d'anges descendirent du ciel de leurs ailes et allèrent au-devant eux au baptême. Simon et André virent la gloire du Seigneur. En sortant du Jourdain, le roc s'attacha à la plante des pieds de Simon et devint attaché comme des souliers. Jésus lui dit: « Sache toi-même, Simon, que désormais tu seras appelé Céphas, car en toi je bâtirai mon église et ses portes ne seront pas détruites par la géhenne. À toi je donnerai les clés du royaume céleste. Celui à qui tu remettras les péchés sur terre lui seront remis aux cieux. Celui que tu auras lié sur terre sera lié aux cieux. Sache Simon qu'à toi je donnerai puissance au ciel et sur terre, car tu deviendras le berger de mon troupeau à ma place comme ma propre image. » Quand Jésus traversa le territoire de Césarée et de Philippie avec ses disciples, il vit un homme en larmes près d'un semis de melon, qui se frappait le visage et la poitrine. Jésus lui dit: « Qu'as-tu? Que t'est-il arrivé? » « Je suis pauvre et souffrant de maladie. J'ai peiné à semer ces melons et ils sont perdus pour moi maintenant. » « Pour quelle raison cette perte? » « Le juste Adonai Dieu d'Israël sait. » Les vers les ont ravagés et n'ont laissé que 3 melons. Où trouverai-je de quoi payer ma dette? Retire les 3 melons avec racine. » L'homme fit ainsi. Jésus prit les melons et les bénit. Prends ces melons, plante-les dans un endroit autre que celui des melons ravagés et ne les rapproche pas quand tu les planteras. L'homme fit ainsi. Les 3 melons fleurirent aussitôt et leurs ramifications se répandirent sur le sol. Ils fructifièrent plus que les années précédentes et cette année-là il récolta plus de melons que tous les gens d'Israël. Après avoir payé sa dette et réglé sa maison, il apporta à Jésus 4000 drachmes d'or qui restaient de la vente des melons et dit « Je t'apporte 4000 drachmes d'or qu'il reste après avoir payé ma dette pour que tu me dises quoi faire. Va donner en aumône aux pauvres et aux malheureux. » Il fit ainsi, et revint vers Jésus. Voici, j'ai distribué l'or aux pauvres et aux malheureux, je n'ai rien gardé pour moi. Tu as bien agi, maintenant viens et suis-moi. Il suivit Jésus et devint son disciple. Par sa prédication, beaucoup des enfants d'Israël se convertirent, et d'autres se faisaient baptiser. De plus, il appela à la foi les gens d'Ascalon. Quand Jésus traversa la Samarie pour aller visiter les tombeaux des patriarches Abraham, Isaac et Jacob, il vit une femme debout près du puits qui puisait l'eau. Il alla vers elle et dit « Donne-moi à boire l'eau que tu puises. Comment donner à boire à un juif quand je suis samaritaine? Les samaritains ne font pas commerce avec les juifs et ne leur parlent pas. Si tu savais qui je suis, tu me demanderais de te donner à boire l'eau de vie. Je te demande de me donner à boire l'eau de vie, que je ne puise plus l'eau de ce profond puits. Va appeler ton mari, et viens ici. Je n'ai pas de mari. Tu as dit vrai. L'homme qui se trouve à présent avec toi n'est pas ton mari, et avant lui 4 hommes ont demeuré avec toi. À cause de ta grande avidité, tu t'es marié avec ce 5e que tu nourris, et non pas lui. Ceci est signe pour toi. Je vois que tu es prophète, car tu dis des choses secrètes. Je sais tout ce que tu as fait en vérité. Voici les noms des 4 hommes qui ont demeuré avant cet homme qui se trouve à présent avec toi. Selton, Yokan, Levi, Lo, et ce 5e se nomme Ravzé. Dis-moi pourquoi tu me dis le nom de tous mes maris et où tu les as connus? Sache que moi-même je t'ai connu avant que ton père Salask et ta mère Lamia t'engendrent. En traversant Jérusalem, Jésus vit un aveugle muet dès le sein de sa mère. Il entendit que Jésus passait et cria en s'exclamant dans sa capacité. Bienheureux qui sait ce que cherche cet aveugle muet pour agréer sa parole, dit Simon. Il crie vers moi. Auteur de toute créature, secours dans leur tourment, toi qui as créé les yeux, la langue, les oreilles. Ouvre mes yeux que je voie ta gloire, ouvre mes oreilles que j'entende ta gloire, délie le lien de ma langue, que je donne gloire à ton saint nom. Apprends Simon que je n'ai pas fait cet homme aveugle, muet et sourd, comme tu le vois, mais afin de montrer au fils d'Israël ma puissance envers lui. Je délie le lien de ta langue. Parle et déclare qui je suis à Simon et son frère André. Sa langue se délia aussitôt et il dit. Tu es le Messie, fils unique du Seigneur vivant, que les peuples attendent pour leur salut. Tu es celui par qui les prophètes ont prophétisé, l'auteur de notre père Adam. Tu as revêtu la chair humaine pour nous accorder tes faveurs à cause de ton amour pour nous. Sois en ma faveur, fils de David, accorde la lumière à mes yeux, comme tu as délié ma langue. Il lui dit de s'approcher de lui. Il se mit à voir et entendre dès que Jésus posa sa main sur ses yeux et sur ses oreilles. Depuis il annonce le nom de Jésus parmi ses disciples et par lui beaucoup ont cru et sont allés se faire baptiser dans le Jourdain par la main de Jean le Baptiste. En traversant la ville de Naïm, Jésus et ses disciples, Simon et André, Jean et Jacques, virent porter dans un cercueil le fils d'une veuve nommée Barsa, fille de Jévaël son père, fils de prophète. Le fils mort se nommait Jonas, fils de Salem, fils de Melchial, frère de Rehom, fils de Salatiel, fils du frère du prophète Jonas. Cette femme n'avait pas d'enfant que lui. Jésus vint vers les gens qui portaient la dépouille et leur dit : Déposez le cercueil. Le mort qui se trouve sur vos épaules est des fils de prophètes. Il faut que je manifeste à son égard mon pouvoir dans cette ville. Les gens déposèrent le cercueil à terre, Jésus s'approcha du mort et dit : Réveille-toi Jonas fils de Salem, car j'ai rendu vaine la mort du péché. Le mort se leva aussitôt, il s'assit dans son cercueil et ouvrit la bouche pour dire : Je crois en toi Jésus, fils du Seigneur vivant, sauveur du monde, qui m'a ressuscité des morts, pour que j'annonce ton nom parmi les peuples. Il descendit de son cercueil et ne retourna pas à sa maison, il suivit Jésus et devint avec ses disciples. Jésus l'appela et dit : Jonas, c'est moi qui ai envoyé ton père pour qu'il prophétise ma venue dans ce monde. Va maintenant annoncer toi aussi ma venue aux hommes, déclare la vérité de la prophétie de ton père sur moi. Sache qu'en mon nom tu feras de grands miracles et prodiges, et beaucoup de gens hériteront du royaume céleste par ta prédication. Déclare aux hommes des fils d'Israël que je retirerai moi-même la prophétie, je leur retirerai de plus le sacerdoce, pour le donner à ceux qui croient en moi. Je retirerai la royauté jusqu'à ma deuxième venue dans le monde au jugement des morts et des vivants. Quand Jésus monta à Jérusalem, pour Sukkot la fête de tabernacle, il vit un homme en train de pleurer et gémir grandement pour son frère mort le même jour et suppliait le Seigneur dans les larmes. Seigneur, envoie-nous celui que tu enverras pour notre salut, que nous ne mourions pas à cause de nos péchés. Dieu d'Israël, sois en faveur pour mon frère aussi, cet Israélite mort dans son péché. Crois-tu en celui qui viendra ? Lui dit Jésus. Nous attendons la venue du Messie de Dieu pour notre salut, le Sauveur d'Israël. Je crois en lui s'il est venu. Je suis le Messie, Sauveur du monde. Je suis le Fils de l'homme que le prophète Daniel a vu sur les nuées du ciel. Je suis le fils de l'Ancien des Jours, qui a livré Jérusalem dans la main de son ennemi Nebuchadnezzar. Si je ressuscite moi-même ton frère, croiras-tu que je suis le Messie sauveur du monde? Je croirai en toi que tu es le Messie, sauveur d'Adam et de sa descendance. Viens, allons à ta maison. Ils partirent et quand ils arrivèrent à la maison de cet homme, de nombreuses brebis sortaient de sa maison pour paître. Lorsqu'elles virent venir Jésus, elles parlèrent la langue des fils de l'homme. Joie en ta venue, fils du Seigneur, fils de David par la chair. Un bœuf que son maître voulait égorger, alla au-devant de Jésus quand il le vit, et cria à haute voix. Sois en ma faveur, fils de David, toi que l'intelligence et la raison n'atteignent pas. Sois en ma faveur, sauve-moi. Sois sauvé et deviens un animal qui ne sera jamais égorgé. Deviens témoin pour moi contre cette génération mauvaise et perverse. Le bœuf partit dans la plaine, et à partir de ce moment son maître ne le vit plus. Et Jésus dit à ses brebis : Vous aussi brebis je vous affranchis de la servitude, car vous êtes devenus témoins de ma gloire. Plus personne ne pourra vous asservir jusqu'à ma deuxième venue. Multipliez-vous. Devenez nombreux, remplissez la plaine de votre descendance, devenez des témoins contre cette mauvaise génération. Jésus entra dans la maison de l'homme, nommé Bagléman, qui pleurait son frère mort. Jésus le vit et dit : Israélite, lève-toi de ta mort. Il se leva aussi vite qu'on se réveille d'un sommeil et se mit sur ses pieds, il honora Jésus et dit : Tu es le Messie, fils unique du Seigneur vivant. Il suivit Jésus et ne se sépara pas de lui. Les Juifs et Samaritains, qui avaient vu ces trois prodiges que Jésus avait fait le même jour, étaient dans l'étonnement. Quand Jésus entra dans Jérusalem, se trouvant dans le temple avec ses disciples, les sacrificateurs vinrent lui dire : Bon Rabbi, Nous savons que tu es envoyé du Seigneur, car personne ne peut faire les prodiges que tu fais toi-même. Déclare-nous par quelle autorité tu agis, qui est ton père, qui est ta mère, quelle souche de prophète es-tu? Si tu es de souche prophétique, il t'appartient de faire des miracles. Les prodiges que vous me voyez faire, je les fais par l'autorité de mon Père dans les cieux. Les Juifs voulurent prendre des pierres pour le lapider. Pour quelle action ou quel prodige voulez-vous me lapider, compagnie des Juifs? Sachez que je suis l'espérance des nations. À présent j'enverrai mes disciples vers les nations étrangères pour les appeler à la foi. Tous ceux qui recevront mes paroles pour la gloire de mon Père et de l'Esprit deviendront un peuple à votre place, pour moi pour les siècles des siècles. Jésus traversa la ville de David, c'est-à-dire Jérusalem, avec Simon et André, Jacques et Jean. Il vit un vieillard qui pleurait. Ô Seigneur, donne-moi de quoi payer ma dette, disait-il. Que t'est-il arrivé et quelle est ta dette? Que me servira-t-il de te dire? Ne me cache pas ton affaire Zachée, car c'est moi qui enrichis. Celui qui me cherche ne sera jamais pauvre, je suis existant pour l'éternité. Quand le vieillard entendit appeler par son nom, il s'empressa de lui dire avec respect. Sois en ma faveur, Seigneur, délivre-moi de ma dette. J'ai pris sur moi une dette à rembourser cette année lorsque mes oliviers porteraient fruit, mais les oliviers de mon champ ont tous séché. Combien y a-t-il d'arbres secs parmi tes oliviers? Il y a 140 arbres, et tous sont secs. Apporte-moi une branche de tes oliviers. Zachée apporta une branche de ses arbres secs, Jésus la prit et la bénit. Il dit. Va planter cette branche au milieu de ton champ, car la richesse te viendra d'elle. Sache que cette branche deviendra un olivier à trois rameaux, qui jamais ne sera sec, et qui fera la fierté de tous les peuples. On le cherchera des extrémités de la terre pour se bénir par lui et il deviendra un sujet de joie et de fête pour eux. Qui prendra un rameau ou des feuilles de cette branche pour mettre dans sa maison, ma bénédiction sera avec les gens de cette maison, ils ne craindront pas les démons, car si quelqu'un ose entrer dans la maison où cette branche se trouve, la peur et le tremblement le saisiront jusqu'à ce qu'il sorte de cette maison. Le vieux Zachée prit cette branche de la main de Jésus, la planta au milieu de son champ, et aussitôt elle bourgeonna et produit ses feuilles. Le vieillard le vit et fut grandement étonné. Il revint vers Jésus, se prosterna devant lui, disant « Tu es le Messie fils du Seigneur, le salut du monde. » Il partit chez les gens de sa maison leur raconter le prodigieux miracle qu'il avait vu de Jésus et tous les gens de sa maison et du peuple juif crurent. Zachée retourna dans son champ, la branche d'olivier avait grandi et porté de fruits. Ce jour-là on porta 40 charges d'hommes et on remplit 13 pressoirs pendant 27 jours. On mangeait des fruits qui restaient. Les fruits de cette branche furent la cause de la richesse de Zachée. Après que Zachée avait prélevé l'huile des olives qui provenait de cette branche, il revint vers Jésus et dit « Je rends grâce à mon Seigneur Dieu pour tout ce que tu m'as donné. Je te rends grâce pour tous les bienfaits que tu as accomplis pour moi. » Jésus alla de Jérusalem à Bethléem, car il voulait visiter le tombeau des enfants qu'Hérode avait tués. En chemin, il vit plusieurs princes des sacrificateurs et des scribes, et leur dit « Où allez-vous enfants d'Israël? Nous voulons aller à Bethléem. Ne voulez-vous pas aller au tombeau de Rachel? » Il alla et ils y allèrent aussi. Arrivé au tombeau de Rachel, il leur dit « Si maintenant moi-même j'appelle Rachel, mère de Joseph et Benjamin, et qu'elle ressuscite des morts et sort du tombeau, croirez-vous en moi? Maintenant nous savons que tu divagues. De grâce, fais ce que tu dis que nous voyons. Si tu fais, nous saurons que tu as été envoyé de la part du Seigneur et nous croirons que tu es le salut d'Israël. Ô race de mauvaise vipère, qui vous enseignera à échapper à la colère qui vient? Écoutez-moi pour faire ce qui convient et produire votre fruit de pénitence maintenant. Si vous le faites, vous aurez droit de chercher un signe. Sachez que vos prophètes et tous les peuples deviendront des témoins de votre divagation. Je ressusciterai moi-même du tombeau, avec Rachel, Rebecca, et Sarah la femme d'Abraham. Jésus s'écarta d'eux, et dit à haute voix. À vous Sarah, Rebecca et Rachel, je vous dis, ressuscitez des morts, sortez du tombeau et venez ici vers moi. Il y eut aussitôt un grand tremblement de terre et un bruit intense se fit entendre. Sarah, Rebecca et Rachel sortirent du tombeau, leurs visages lumineux, comme l'éclat du soleil. Elles se prosternèrent devant Jésus. Ô assemblée des Juifs, enfants de l'erreur, levez vos yeux pour regarder ces femmes. Ils levèrent leurs yeux mais ne purent regarder ces saintes en raison de l'éclat lumineux de leur visage. Sarah la femme d'Abraham s'avança et dit. Pourquoi contestez-vous avec celui qui a pouvoir de vie et mort, enfant de mon fils Jacob? Pourquoi contestez-vous avec celui qui a pouvoir de ressusciter les morts? Moi-même Sarah, Rebecca et Rachel? Il est celui qui est entré sous la tente de votre père Abraham, quand nous nous trouvions dans le désert, celui qui m'a annoncé l'enfantement de mon fils Isaac, celui qui a sauvé mon fils Isaac du couteau et l'a racheté par une brebis qui ne fut pas engendrée. Sous cette apparence il s'est assis à table et mangé avec le père Abraham, et nous a bénis. Sous cette apparence il a promis à Abraham qu'il deviendrait père. Sous cette apparence il est allé à la terre de Sodome et Gomorrhe après avoir quitté Abraham. Sous cette apparence il est apparu à Jacob. Sous cette apparence il a ordonné à Moshe, qu'il a vu sur le mont Sinaï, d'aller en terre d'Égypte délivrer les enfants d'Israël de la servitude. Sous cette apparence les prophètes l'ont prophétisé pour sauver Adam et ses enfants de la mort éternelle du péché. Sous cette apparence il a formé le ciel et la terre, sous cette apparence il est l'auteur de tous les miracles. Ô enfants d'Israël, croyez en cette apparence, à la beauté la plus belle des fils de l'homme, que le prophète David a prophétisé dans les psaumes. Sarah termina ce discours, et Jésus leur dit. Enfants d'Israël, fils du péché, au cœur dur comme la pierre, croyez-vous à présent ou non? Sachez que les morts croient en moi. Désormais les peuples des nations étrangères croiront en moi à votre place, afin que s'accomplisse la prophétie du prophète David. Un peuple sera créé pour glorifier le Seigneur. Et Jésus dit à Sarah, à Rebecca et à Rachel. Retournez à vos places en paix. Et elles retournèrent aussitôt à leur tombe. Jésus traversa la Galilée avec ses disciples et beaucoup de Juifs, il leur disait. Le royaume des cieux est près de vous, recevez-le en vous-même. Les Juifs dirent entre eux. Quel est donc celui qui pardonne les péchés, hormis le Dieu d'Israël? N'est-il pas fils de Marie et son père n'est-il pas Joseph l'artisan? Et ses frères ne sont-ils pas nos frères? Ô assemblée des Juifs, oui je suis le fils de Marie et mes frères sont vos frères. Quant à Joseph, il n'est pas mon père mais mon ami. Il se tourna et vit une chèvre qui paissait sur une colline, et lui dit. À toi chèvre je te dis, viens ici déclarer à ces gens qui je suis, d'où je viens, et où je vais dans le monde. La chèvre vint se prosterner aux pieds de Jésus, ouvrit la bouche, et dit dans la langue humaine. Béni est le Dieu d'Israël, Créateur des cieux et de la terre. Tu es la parole qui parle par les prophètes. Quand les gens l'entendirent, ils furent très étonnés. Ils étaient au nombre de 7400 hommes, sans les femmes et les enfants. Ils étaient stupéfaits d'étonnement et crurent en Jésus. Le Seigneur dit la chèvre. Va à ta place paître et sois libre. Désormais personne ne t'asservira. Jésus monta à Jérusalem et entra dans le temple avec beaucoup de gens, des Juifs et des scribes. Les Juifs se mirent à converser entre eux, s'étonnaient de la structure du temple, sa majesté, sa solidité, et dirent à Jésus. Ô maître, ne vois-tu pas la grandeur et la gloire de l'ornementation de ce temple?

C'est lui qui m'a indiqué son nom au sommet de la montagne en disant, Aya Ashaya, qui signifie, celui qui existait existera. C'est Adonai Sabaoth, Seigneur des armées. C'est lui dont j'ai moi-même prophétisé la venue et vous ai dit. Le Seigneur fera surgir de vos frères parmi vous un prophète comme moi. C'est lui qui m'a fait entrer dans la caverne au sommet de la montagne. C'est lui qui a autrefois façonné de ses mains notre père Adam pour le faire à son image et sa semblance. Il est venu à présent dans le monde sauver Adam de la peine du péché d'égarement. Écoutez-le, enfants d'Israël, et obéissez-lui, car toutes les âmes parmi le peuple qui ne l'écouteront pas périront. Moshe termina de parler aux enfants d'Israël, et le visage de Jésus s'illumina, sa lumière s'intensifia et devint comme le soleil. Les enfants d'Israël qui étaient présents le virent et tombèrent sur leur face comme des cadavres. Jésus les fit se relever et fortifia leur cœur. Contesterez-vous que je suis, n'est pas le Dieu d'Israël, après que ses pères soient devenus pour moi des témoins? Il ne leur était pas possible de répondre un mot, la plupart crurent en lui. Il leur dit. Ne vous vantez pas d'Abraham votre père, car j'ai le pouvoir de faire sortir de ces pierres des fils d'Abraham. Les pères Abraham, Isaac, Jacob, avec Moshe et tous les anciens qui étaient ressuscités de leur tombeau, appelèrent les hommes à la foi du Messie. Ils annoncèrent Jésus par son nom pendant 3 jours à Jérusalem. Les Juifs qui ne les croyaient pas et ne les recevaient pas comme étant leur père, leur jetèrent des pierres en disant « Sorciers de la compagnie de Jésus !» Les sorciers Jannès et Jambrès faisaient de plus grands prodiges en Égypte que ce fils de charpentier. Si vraiment je suis sorcier, dit Jésus, ces pères purs sont-ils aussi sorciers? En vérité je vous dis, je ferai sortir de vous et contre vous des juges qui vous feront opposition au jour du jugement et de la résurrection lorsque je viendrai dans ma gloire et dans la gloire des armées de mes anges purs. Quand ils eurent entendu les paroles de Jésus, ils lui jetèrent de nouveau des pierres. Une nuée emporta Jésus jusqu'au fleuve du Jourdain où les pères vinrent vers lui et lui dirent « Ô Seigneur, que nous ordonnes-tu maintenant que nous avons vu ta gloire? Retournez en paix là où vous avez ressuscité. » Il revint à la place en rendant grâce au Seigneur. Les images des 4 animaux qui avaient revêtu une chair vinrent aussi où se trouvait Jésus et l'honorèrent également. Il dit aussi à ces images vous devez retourner à vos places dans le temple comme auparavant. Ces images revinrent comme elles étaient auparavant. Le lendemain Jésus alla au mont des Oliviers avec ses disciples Jean et Jacques, fils de Zébédée, qui virent le temple et dirent « Comme ce temple est beau !» En vérité je vous dis, il ne sera pas trouvé pierre sur pierre de ce temple. Voici, des peuples viendront d'Orient et d'Occident s'asseoir à la table d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quant aux fils de ce royaume, on les chassera, on les fera sortir dehors et une grande affliction les atteindra, tandis que les païens se réjouiront. Vous aussi mes disciples, voici des jours arriveront sur vous que quiconque vous fera du mal ou vous tuera, croira faire du bien ou qui ne vous a pas tué. On vous livrera au roi et au juge, on vous tuera à cause de mon nom et tous les peuples vous haïront. Aussi quand vous vous tiendrez devant des rois et des juges, ne pensez pas à ce que vous déclarerez, ni à ce que vous direz mais l'esprit demeurant en vous parlera par vous et s'exprimera par votre langue pour confondre les gens sur vous. En ces jours-là, le frère livrera la mort le frère et le père ses enfants, les enfants se soulèveront aussi contre leurs parents et les tueront. Celui qui persistera avec patience, celui-là sera sauvé. Soyez donc patients comme les prophètes qui ont été persécutés avant vous. Bienheureux vous que les peuples ont persécuté, outragé, contre qui ils ont proféré des paroles mensongères à cause de mon nom. Il faut vous réjouir de savoir que votre rétribution sera grande dans les cieux. Bienheureux vous fils du royaume du Seigneur. Bienheureux vous héritières des délices. Bienheureux, car les rois et les juges de la terre vous honoreront. Bienheureux, car toute puissance de la terre sera abolie et il ne restera que votre puissance. qui jugera les fidèles, convertis à ta foi par notre intermédiaire? Dirent les disciples. Je jugerai moi-même les fidèles, et je ne donnerai pas leur jugement à un autre, car ils ont mangé ma chair et bu mon sang avec foi. Car qui mangera ma chair et boira mon sang avec une foi pure, je serai lui, il sera moi. Je le ressusciterai au dernier jour pour la vie éternelle, et il n'approchera pas du supplice, mais je le ferai hériter la vie éternelle qui n'a pas de fin. Puisque je leur ai laissé ma chair, je jugerai. Sachez que le Père ne jugera personne, car il a livré tout jugement à son Fils, qui pardonnera qui il voudra et condamnera qui il voudra. Sachez que des jours viendront où quiconque écoutera la parole du Fils du Seigneur vivra à jamais. Celui qui fera de bonnes actions héritera des délices éternels, mais celui qui en fera de mauvaises n'héritera pas des délices éternels. Quant à ceux qui croiront, leur place sera dans le royaume des cieux. Et les disciples, ayant entendu cela, lui demandèrent. Seigneur, quand viendra le jour du jugement? Quant au jugement, personne ne connaît ni le jour ni son heure, sauf mon Père dans les cieux.